tout petit, caneton, j'attendais la plume qui ferait que mon nom soit dans les tribunes, des canards, des journaux, des vendeurs de brume. Les pattes dans la mare, j'avais beau tenter, un jour j'en eus marre, j'ai dû me barrer loin de tous ces oiseaux qui se ressemblaient. Sous mon jaune plumage, je me suis construit un cœur tout en couleurs. Et l'orage s'est envolé, et moi aussi mes ailes. J'ai déployé ma pelle, j'ai survolé un monde où l'on s'aime. Et moi aussi mes ailes. L'autre, j'ai gravi les dunes, les collines et les autres. J'ai fait le plus dur au milieu des vautours, des mauvais, des enflures. Au milieu des aigris qui brisent les rêves, lentement j'ai compris que le vent ne se lève jamais seul, non jamais, que quand on l'appelle. Sous mon jaune plumage, je me suis construit un cœur tout en couleurs. Et l'orage s'est envolé, et moi aussi mes ailes. J'ai déployé ma pelle, j'ai survolé. De tous mes chagrins, loin des envieux, je me rappellerai, et puis encore, je m'envolerai.